Ok. Ok. Souvent je pète des plombs, souvent je pète des câbles. J'aime, je prends, je me lâche, je balance. Je suis instable au début, je suis à fond dans tout ce que j'entreprends. Et le temps passe, plus j'avance et au final plus je m'en branle. En amour, en amitié, dans le taf et dans le sport. Y'a que dans la musique où mon ami je reste accroché. Je me suis jamais couché car j'ai su esquiver les crochets. Les regrets me hantent quand je vois tout ce à quoi j'ai décroché. En même temps, dans le même temps, tenté par d'autres costumes, porté par le vent, je rêve de décrocher la lune. Dès que je m'attache mon pote, ça tourne à l'obsessionnel. Et c'est pour ça que ça me saoule vite, je peux dire ciao au sommet. Pourtant le talent dans les mains, mais je reste assis sur mes acquis. Je repousse tout au lendemain, c'est moi qui vais squatter sur les quais. La réussite mon ami, je constate à tous mes amis. Vers que rien n'a changé, mon avenir reste assombri. J'ai peu de victoires sur la vie, c'est simple, y'a pénurie. Si je reste dans mon coin, c'est peut-être que le bonheur m'a puni. Je me donne pas les moyens d'avancer et d'aller mieux. Envoyer tout balader, mon frère, c'est ce que je sais faire de mieux. Au niveau de l'amitié, je me lasse vite des gens que je côtoie. Ça marche et par période, j'avais un super pote pour chaque mois. C'était mon équipe de titulaires et de remplaçants. Je mettais sur le banc ce qui m'avait saoulé. Les jours précédents je fais du mal et j'en fais même du coup à moi-même. Les gens sont déçus et je me sens de moins en moins aimé. Je me sens à l'écart, perpendiculaire à la ligne, à l'équerre des parallèles que les gens s'amusent à suivre. Je rejette l'amour des miens comme une sorte de je m'en foutisme. Je reste solitaire dans mon monde comme un autiste. Je perds la confiance que je donne aux gens, au fond je me dégrade. J'en deviens paranoïaque, j'ai l'impression que le monde me dégrade. Je me sens crade, limite sali. J'ai le sentiment que les gens sont alliés pour me rendre barre, je vais me faire descendre des paliers. Voilà pourquoi je me lasse. J'ai peur de me faire avoir. Les gens, je les kiffe, je les côtoie, je leur dis au revoir. Avant de me faire piéger, mon pote, avant de me faire trahir. Et puis on m'a toujours dit, mieux vaut prévenir que guérir. Éternel, déçu, à jamais perdu. D'avance, voilà ma devise, dans ce monde qui part en 7 su. Je suis fasciné par les hommes et la bêtise humaine. Mais ça me rend mal, triste man. Au final, ça me fait de la peine. La jalousie, l'hypocrisie et la haine envers les autres. La méchanceté gratuite pour moi, tous ces défauts, ça reste des fautes à éviter. Pour un monde meilleur, si je dois partir ailleurs, je m'envolerai dans mes pensées, posé comme un Bouddha en tailleur. Mon pote, je me sens mieux seul, loin de ce monde de chacal. Une clope, mon baladeur, allongé, je mate les étoiles. Yeah, t'as capté le délire ou pas? Yeah, ok. J'ai pas confiance en moi, hein. Donc forcément, confiance en personne. Je suis défaitiste, je me vois perdant d'entrée de jeu. J'arrive à rien, mon pote. Normal, je crois à rien dans ce monde. Ok. J'ai pas confiance en moi, donc forcément confiance en personne. J'ai tellement peur de me faire baiser que j'ai confiance en personne. Du coup, j'ai trop de mal à m'investir dans des relations d'amour et d'amitié. Ça devient vite fait des liaisons dangereuses, vite qu'il y a le feu. On se fait du mal tous les deux, ça me rouge de l'intérieur. Ça me fait péter des boulons, je te le dis. En amour, sans cesse à la recherche de la femme de ma vie. Je suis trop naïf et l'amour rend aveugle, mon frère me l'a dit. Je me suis trop fait baiser, je restais là comme un clébard. J'ai trouvé une femme sérieuse, mais c'est elle qui m'a bébard. En amitié, justement mes potes se sont tapés mes meufs. Et les putains restent avec les putains. Ok, je t'apprends rien de neuf, mon pote. Non, mon ex-pote, trace ta route, fais le bien. Si t'as besoin de tarte dans la gueule, je veux bien te donner ce coup de main. Dans le sport, j'avais les crocs, le talent, je montais haut. Mais les 10 ans de basket sans rien qu'il m'arrive m'ont rendu fou. Les gens m'encensaient, me disaient que je progressais. Mais la motivation que j'avais, elle régressait. Au niveau du boulot, je reste dans le même délire. J'ai débarqué, j'avais envie, surtout envie d'yébi. Mais le taf m'a rendu fou, et le salaire aussi. Du coup, je m'en fous, je suis devenu un pro de l'arrêt maladie. Ok, j'arrive à rien, normal, je crois en rien. Un peu de confiance en moi et de réussite me ferait du bien. Ok. Ok. Scream. Yeah. Okay. Yeah. Scream. T'as compris ou pas? Ok. Ok. Yeah.